François Morel, à vous. Le petit candidat, en ce moment, il se pose des questions. Il se dit, est-ce que ça vaut bien le coup que je continue? Est-ce que je ne ferais pas mieux d'arrêter les frais? Surtout que c'est pas gratos, une campagne. Et qu'à moins de 5%, va falloir casser sa tirelire. La sienne ou celle de son groupuscule. En plus, la semaine prochaine, c'est le réveillon. Je vais encore me faire allumer par le beau-frère qui a jamais pu m'encadrer et qui va encore se foutre de ma gueule. Évidemment, juste avant la trêve des confiseurs, c'est encore le moment de se poser des questions. Est-ce qu'on fait marche arrière ou tant pis, on s'en fout, on fonce droit dans le mur, mais avec enthousiasme? Ça dépend. Être petit candidat n'est pas forcément une tare. Ça dépend quelle sorte de petit candidat vous êtes. Vous pouvez être le candidat témoin, celui qui sait qu'il ne va pas être élu, mais qui porte un témoignage. Un exemple incontestable, René Dumont, en 1974, parle pour la première fois d'écologie lors d'une campagne présidentielle. Vous pouvez être le candidat « brave couillon », c'est ainsi que De Gaulle appelait Marcel Barbu. Sans doute sincère, mais pas forcément le plus capable de trouver sa place dans l'appareil médiatique. Militant pour le logement social, on se souviendra essentiellement de lui parce qu'il a pleuré devant les caméras de télévision en 1965. Vous pouvez être le candidat cause désespérée. Celui qui est là, mais dont le score risque d'être si peu élevé qu'on se demande s'il a une famille. Ou qui a une famille, mais même sa famille ne veut pas voter pour lui. Elle le connaît trop bien. On peut même pas vous donner un exemple, on a oublié son nom. On se demande si lui-même a mis dans l'urne un bulletin portant son nom. On veut pas s'acharner sur lui. On lui veut pas de mal. L'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et d'un pays. Là, c'est à peine la rencontre d'un homme avec lui-même. C'est un candidat fantôme, celui dont personne ne se souvient. Celui dont on dit « T'es sûr qu'il s'est vraiment présenté? T'es sûr que tu ne confonds pas avec la présidence de l'association des boulistes de Basse-Normandie ?» Un petit jeu. Un seul parmi les noms que je vais citer ne s'est jamais présenté à une élection présidentielle. Sauras-tu le retrouver? Louis Ducatel, Guy Hérault, Jean-Claude Sebag, Jean Saint-Josse, Frédéric Nihous, Pierre Mendès-France. À ce propos, et l'histoire devrait éclairer l'actualité, si Jean-Claude Sebag et Guy Hérault, l'un et l'autre candidat fédéraliste en 1974, s'étaient réunis pour faire cause commune. Ce n'est pas 42 007 électeurs et 19 255 électeurs que chacun aurait réunis séparément, mais 61 262 électeurs, c'est-à-dire que le score de Sebag n'aurait pas été de 0,16%, c'est-à-dire que le score de Hérault n'aurait pas été de 0,08%, puisqu'ensemble, ils auraient obtenu 0,24%. Que l'union des fédéralistes inspire l'union de la gauche en 2022, qui en faisant un effort pourra dépasser le score des fédéralistes de 1974. Oui, vous pouvez aussi être le candidat idiot utile. Là, ça fait mal. C'est le candidat qui, en fin de compte, favorise celui qu'il présente comme son plus grand ennemi. Candidat témoin, ou cause désespérée, ou fantôme, ou idiot utile. Le mieux sera encore de ne pas vous asseoir à côté de votre beau-frère le soir du réveillon. Merci François Morel. On vous retrouve sur la scène du Théâtre des Célestins à Lyon pendant toutes les fêtes pour votre spectacle. J'ai des doutes. France Inter.